Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Les malchanceux de l'histoire de France, c'est le titre du nouveau livre de Jean-Joseph Julot. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Je suis ravi que Jean-Joseph Julot soit avec nous cet après-midi. Il nous a trouvé dans l'histoire de France tous ceux qui avaient vraiment compté avec la malchance et nous allons voir avec lui comment ils ont surmonté l'épreuve, bien entendu. Et puis moi, pour commencer, et c'est sans doute un des plus malchanceux de toute l'histoire, je vais vous raconter la pénible histoire de notre roi fou, vous savez, ce roi qui a régné pendant des décennies, Charles VI, alors qu'il n'avait plus toute sa tête. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à Sophie. Elle s'interroge sur l'origine de la tradition des Catherinettes. Ah ben les Catherinettes, c'est aujourd'hui, si je ne m'abuse. Oui. Donc on a posé la question de Sophie le bonjour. J'ai fait ma petite enquête ce matin, je me suis rendu compte que c'était complètement passé de mode et que plus personne ne savait même de quoi il s'agit. Alors, notamment pour nos plus jeunes auditeurs, nous allons revenir sur cette tradition qui remonte bien plus haut encore que du temps de Charles VI. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Charles VI est au départ un roi brillant. On lui promet beaucoup. On est quasiment certain que son règne sera l'un des plus grands règnes de toute l'histoire de France. C'est bien simple, la plupart des chroniqueurs le comparent à Louis IX, celui qu'on appelle Saint-Louis. Et c'est en quelque sorte un nouveau Saint-Louis auquel ont donné le jour Charles V, le roi sage, vous savez, et son épouse, la reine Jeanne, qui d'ailleurs sont l'un et l'autre descendants directs de Saint-Louis. Voilà ce que nous dit Françoise Daubonne. Le visage parsemé de taches de rousseur, des boucles blondes sur les épaules, la poitrine virile, les yeux vifs et doux, tel était Charles VI. Il était réputé pour son affabilité, sa générosité et son humeur joyeuse. Il portait souliers d'or à la poulaine, c'était comme ça, c'était la mode à l'époque, c'était cette espèce de souliers qui finissaient en pointes effilées, manteau cramoisi doublé de vert, le vert c'est une fourrure, tunique de soie blanche, chapeau de castor frangé d'argent et triple chaîne en collier. Le mot « espérance » était brodée sur sa ceinture et son écharpe de quatre couleurs, blanc, vermeil, vert et noir, retenait sur sa hanche le pommeau de son épée. Il ressemblait à sa mère, dont Charles le Sage, disait après sa mort « elle était le soleil de ma cour ». Eh bien, on peut dire que le tout jeune Charles VI est véritablement le soleil de ce royaume. Il faut dire que ce sont ses oncles qui, à la mort de son père, ont dirigé les affaires, ses oncles ont assumé la régence, puisque lui, en 1280, lorsqu'il est monté sur le trône, n'avait jamais que 12 ans. À 17 ans tout juste, il va faire le mariage de sa vie, si je puis dire, très grand mariage. En fait, on lui a présenté, c'est Philippe Le Hardy qui est derrière toute cette histoire, il lui a présenté son épouse, qui est l'une des héritières du roi de Bavière, c'est Isabeau de Bavière. Il la lui a présentée comme un parti, comme un bon parti. Vous savez, c'était ces mariages arrangés, bien entendu. Le hasard, la providence ont voulu qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. C'est un couple magnifique. Et alors, déjà, on avait un beau, jeune, extraordinaire roi, mais on a maintenant une belle et jeune reine. Tout le monde est content. Le roi est fol amoureux, comme disent les chroniqueurs. Pourtant, nous dit-on, la petite bavaroise n'était pas une beauté avec son gros nez et ses petits yeux, mais elle avait de fort beaux cheveux bruns, un corps potelé très séduisant, une timidité gracieuse qui enflamma le cœur du fiancé. Pour Isabeau, ce mariage était une chance splendide, car la maison de Bavière, sans azur et vertueuse lignée, était fort pauvre. La couronne de France devait alors compter avec un certain nombre de vassaux très puissants, il faut le dire. J'ai cité tout alors Philippe de Hardy, c'est le duc de Bourgogne, lui c'est le plus puissant, c'est le grand duché d'Occident, on est vraiment aux portes même du royaume en présence d'une grande puissance de l'époque. Il y a le duc d'Anjou, Louis, qui va mourir en 1384, et puis surtout, celui que nous connaissons aujourd'hui par la richesse de collection qu'il nous a légué, qu'il a légué à la France, le duc Jean de Berry. Enfin, c'est d'ailleurs, pour être tout à fait exact, la plupart des collections en question, elles nous ont été léguées par des collectionneurs qui eux-mêmes les avaient récupérées après sa mort. Jean de Berry, c'est cette espèce de personnage très avide, vous savez, qui multiplie les impôts dans tous les fiefs dont il a l'apanage, ce qui va provoquer toutes sortes de révoltes, de débordements, la Rèle, à Rouen. À Paris, on est en pleine révolte des Maillotins, donc beaucoup de troubles sociaux qu'il faut faire remonter d'ailleurs à la captivité du roi Jean le Bon, hein, Jean II, qui avait été fait prisonnier à Poitiers en 1356. Et depuis, on peut dire que le trouble règne dans la plupart des grandes villes de France. Paris et Rouen étant à l'époque les deux grandes villes, bien entendu. À 21 ans, Charles décide que le pouvoir de ses oncles a assez duré et qu'il est temps qu'il règne par lui-même. Alors, ça va être un bras de fer terrible, vous imaginez. Il faut que le duc de Bourgogne et le duc de Berry acceptent de se déposséder d'une part de leur influence, de leur pouvoir et de tous les avantages qui vont avec, au profit de ce neveu qui a décidé de devenir un grand roi. Le seul soutien qu'est véritablement Charles, ça vient de son frère Louis, le duc d'Orléans, qui est son cadet, juste de 3 ans. Ils sont très proches, ces deux-là, ils ont beaucoup joué ensemble, ils sont presque comme des frères jumeaux, si vous voulez, d'ailleurs, à telle enseigne qu'ils s'habillent de la même façon. Lorsqu'un porte un justaucorde ou un pourpoint d'une certaine manière, l'autre a exactement le même jour. Enfin, évidemment, ça fait sourire les ambassadeurs et ça les rend peut-être plus proches encore. Ils vont se marier à peu près à la même époque. Hein. À la même époque, nous dit Françoise d'Aubonne, se maria le frère du roi Louis, duc d'Orléans, qui ressemblait à Charles par plus d'un trait, grande beauté, charme, prodigalité, goût des plaisirs et gaieté, mais aussi tempérament pathologique, esprit déséquilibré, passant de la débauche à une dévotion excessive, ce qui l'avait fait encourir l'accusation de magie noire. Il faut dire qu'il avait épousé un personnage extraordinaire et qui à lui seul mériterait une émission, c'est Valentine Visconti, une italienne incroyable, dont la noblesse était certes récente, mais dont la famille était puissantissime, avec une fâcheuse réputation. La princesse aux cheveux d'or, comme on l'appelait, elle était absolument ravissante, elle avait une voix mélodieuse, elle était extraordinaire, elle avait une grande délicatesse de manière et de langage. Cette princesse aux cheveux d'or ne tarda pas à exercer sur le beau-frère du roi un très grand ascendant et sur le roi lui-même, à qui elle tirait les tarots, dit-on, et elle avait fini par devenir pour lui une sorte de conseillère occulte, si vous voulez. Et voilà que, ça c'est l'événement qui va tout déclencher, si je puis dire, un baron breton, il s'appelle Pierre de Cran, va monter tout un guet-apens contre le premier soldat du royaume, un grand, très noble représentant du roi, le connétable de France en personne, Olivier de Clisson. On a aujourd'hui les vestiges à Paris de l'endroit exact où a eu lieu cet attentat, puisque c'est un porche médiéval qui, lorsque vous êtes rue des Archives, hein, vous voyez le somptueux hôtel de Soubise que vous montez depuis la Seine, la rue des Archives, c'est un grand portail qui se trouve sur votre droite. Et il est resté tel quel. C'est là qu'a eu lieu cet attentat contre le connétable de Clisson. Belle occasion pour le roi de montrer qui est le patron dans ce royaume. Il se dit que puisque le criminel avait été armé par le duc de Bretagne, il va attaquer la Bretagne. Mais il prend cette décision sans avoir consulté ses oncles, sans avoir demandé au duc de Bourgogne et de Berry, puisque le duc d'Anjou est mort, ce qu'il pensait de cette décision. Il faut vous dire qu'il y a autour de lui un certain nombre de fidèles et de conseillers qui ont envie de ressusciter la grande cour de son père, le roi Charles V, qui s'était entouré de ses fameux marmousets. Et ce sont eux qui vont conseiller au roi de faire le coup de force. Alors bien sûr, Charles VI est armé des meilleures intentions. Il est convaincu de pouvoir ainsi affirmer son pouvoir. Il est très loin d'imaginer qu'il est tout simplement à la veille de perdre non seulement son pouvoir, mais tous ses moyens. Un extrait sur Europe 1 de l'indicatif de la série télé Les Rois Maudits, composé par Georges Delerue. Dans un court instant, nous revenons à votre récit, Franck Ferrand, sur Charles VI, dit Charles le Fou sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à Charles le Bien-Aimé, Charles VI. Alors, ce Charles VI est en train de marcher à la tête de son armée en direction de la Bretagne. Il a bien l'intention de donner une sévère leçon au duc de Bretagne. On fait une halte au Mans, parmi d'autres, et c'est au Mans que le rejoignent dans un premier temps les conseillers, puis les oncles lui-même. Bref, on crée un grand conseil pour essayer de voir si oui ou non cette opération, cette marche punitive en quelque sorte vers la Bretagne est justifiée. Et ça, Charles va le vivre très mal. Il faut vous dire qu'on est en plein été. C'est une fin de mois de juillet, un mois d'août extrêmement chaud. Il fait une chaleur étouffante dans la grande salle des États du Mans où a lieu la réunion. Et puis alors, chose incroyable, il y a un accident. Vous savez, toute une partie du plancher se met à basculer. Ça va faire des victimes. C'est une horreur. Et ça marque le roi qui y voit sans doute comme une forme peut-être un peu de malédiction. Il est totalement déstabilisé. Il ne sait plus trop où il en est. Et ce qu'il constate, c'est que non seulement ses oncles ont décidé d'attenter à sa puissance, à son autorité, mais c'est le cas probablement de son propre frère, son semi-jumeau, si vous voulez, ce frère Louis, sur lequel il comptait tellement et qui, semble-t-il, a été gagné au parti des princes. Est-ce qu'on lui aurait promis des terres? Est-ce qu'on lui aurait promis de l'or? Charles se demande tout simplement si son frère, son propre frère, ne l'aurait pas trahi. Et puis, il se trouve que Valentine, donc sa belle-sœur, qui lui tire les cartes constamment, se met elle aussi du côté des oncles. Et il a l'impression que le monde entier est désormais contre lui. Il a vraiment des angoisses qui sont assez terribles, avec, semble-t-il, de véritables absences. On a l'impression qu'il est à la fin des conseils du Mans. On a l'impression qu'il est presque passé de l'autre côté, si je puis dire. Il a l'air d'être complètement absent, de broyer des idées noires. Il est probable qu'il fasse ce que nos psychologues modernes appellent un complexe de persécution. C'est même une quasi-certitude. Alors, certains chroniqueurs se sont demandé si sa belle-sœur n'en aurait pas profité pour l'affaiblir avec des décoctions et des tisanes, vous savez, parce que lorsqu'il va chez elle, il boit tout ce qu'elle lui propose et elle est experte, elle, en toutes sortes de... en ces espèces de filtres bizarres. Tout ça, en tout cas, va nous conduire directement au drame. Et le drame, il survient le 5 août 1392. Ce 5 août, l'armée s'est remise en marche vers la Bretagne. Donc le roi a obtenu gain de cause. Pour le moment, il est épuisé. Il est reclus de fatigue. On a l'impression véritablement qu'il ne tient pas sur son cheval. Et on le sent en même temps très nerveux, irritable, c'est terrible. Il est vêtu tout à fait de noir avec un chaperon écarlate. On nous l'a raconté, ça ce sont les chroniqueurs qui nous le disent. Et il fait très chaud, je vous le dis, on traverse la forêt du Mans. Ouf, on a envie de dire, dans cette étouffante matinée, il faut imaginer la poussière que peuvent soulever des armées en mouvement comme celle-là. Hein. On marche dans un véritable nuage de poussière, ça fait un peu de fraîcheur, un peu d'ombre, bienvenue. Et puis, au moment de sortir de la forêt, ça c'est la même chose en voiture aujourd'hui, vous savez, d'un seul coup, le soleil vous retombe dessus et on a l'impression que c'est un coup de masse. Le roi accuse le coup, vraiment, il chemine de façon difficile. Et là, surgit juste dans les pattes de son cheval, juste devant lui, une espèce de vieillard défiguré, déguenillé, impressionnant, qui lui barre la route en levant une sorte de bâton et qui hurle « Ne va pas plus loin, noble roi, tu es trahi !» Et ça, c'est Françoise Autran qui nous raconte ça. Elle dit « Ça a profondément bouleversé Charles VI, qui déjà, vous l'avez compris, était dans un état second. » On continue néanmoins la route, toujours sous ce soleil de plomb. On a écarté le lépreux, hein, bien entendu, qui a été malmené par les gardes. Et on a vu le roi se retourner longuement pour voir ce qu'on faisait de cet importun qu'on a emmené. À mon avis, on a même probablement dû l'égorger. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Peu importe. Charles est de plus en plus nerveux et puis au bout d'une heure encore de marche, il y a un page, vous savez, les pages qui accompagnent les gendarmes, qui accompagnent les armées, qui tient une lance, mais comme on marche lentement sous ce soleil, sous ce cagnard, si je puis dire, le page s'est endormi, tout simplement, il va laisser tomber une lance qui va résonner contre le casque d'un chevalier. Ça fait un bruit assez bizarre, un tintement qui brise le silence. Et là, c'est assez étrange, c'est l'élément déclencheur. On ne sait pas ce qui s'empare du roi, mais une sorte de furie, probablement. Le voilà qui est complètement hors de lui, les yeux exorbités, l'écume aux lèvres. Et le voilà qui va se jeter sur ses propres chevaliers, sur les gens qui l'entourent, sur ses hommes d'armes. Il est ivre de rage et il va avoir le temps de blesser 4 hommes. Il en oxyde, nous dit-on, il en tue 2. Il va falloir de longues minutes pour parvenir à le maîtriser parce qu'il a décidé de se battre tout seul contre l'armée entière. C'est incroyable. On l'arrête, on le ligote, on le couche sur un chariot et on le ramène comme ça au Mans. On crut le roi mort, nous dit Françoise Autran. Lentement pourtant, il se rétablit, mais l'été suivant, une nouvelle crise le prit. Au bout de quelques mois, Charles retrouva la santé et la raison, ce n'était que pour retomber plus tard dans la confusion et la fureur. Ainsi, crise et rémission allaient-elles se succéder pendant 30 ans? Et oui, le roi ne mourra que le 2 octobre 1422, on est là en août 1392, vous imaginez 30 années avec à la tête de l'État un roi fou. Un événement notamment va le faire rechuter, c'est ce qu'on appelle le bal des Ardents, nous y venons dans quelques instants. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos questions, vos messages sur Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH sur la page Facebook de l'émission ou encore par mail sur europe1.fr. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Charles VI et à ses crises de démence dans un court instant sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à Charles VI, le roi fou. Alors, ce roi vient de tomber fou, si je puis dire. Il se remet tranquillement pendant le cours de l'hiver 1392-93, et puis le 28 janvier, alors qu'il va vraiment mieux et que tout le monde se dit que ça n'était qu'un épisode malheureux et tout va revenir comme avant, on célèbre le remariage de Catherine l'Allemande, qui est une amie d'enfance de la reine, d'Isabeau de Bavière, avec le plus jeune seigneur de la cour qui s'appelle Hugues de Guizet. Et Hugues de Guizet est très proche du roi. Ils ont l'intention de monter, de s'amuser. Ben, ce sont des jeunes gens quand même, hein. il faut pas l'oublier. Et ils vont avoir l'idée complètement bizarre, il faut bien le dire, d'imaginer qu'au milieu du bal, on va donc lancer le bal comme si tout allait bien, etc. Et puis d'un seul coup, vont surgir dans la pièce. C'était à la mode à l'époque, hein. On était au tout début, on commençait à parler de ça. Vont surgir des sauvages qui seront comme ça complètement, qui feront peur, vous voyez, dans l'idée de surprendre les invités. Bien entendu, le jour des noces, qui fut un mardi, nous dit André Castelot, un mardi avant la Chandeleur, le roi fit pourvoir 6 cottes de toile. Puis il fit porter et semer sur les cottes du délié de lin en forme et couleur de cheveux, donc on met des grands, comme des grands poils, si vous voulez. On y ajouta de l'étoupe que l'on fixa avec de la poix. On aurait voulu faire quelque chose d'inflammable, on ne serait pas pris autrement. Et le roi et 5 de ses compagnons revêtirent ces combinaisons, ou pour être plus précis, se firent coudre à l'intérieur de chacune, parce que c'est tellement près du corps qu'on est obligé de leur coudre les déguisements à même la peau, comme ça, directement sur eux. Ils ont donc la poix, l'étoupe, etc. et ces espèces de grands fils qui traînent partout. Livrer ses dents, vous imaginez, puis la fête est arrivée, ce qui devait arriver, évidemment. On ne sait pas qui, certains ont dit que c'était le duc d'Orléans, carrément le propre frère du roi. Personne n'en saura jamais rien, toujours est-il que quelqu'un, involontairement, on peut l'espérer en tout cas, a mis le feu à l'un des 6. Vous imaginez, tout ça a fait une espèce de traînée de poudre. Et très vite, parce qu'ils se sont enchaînés, j'ai oublié de vous dire qu'ils se sont enchaînés par les poignets, même certains par les chevilles. Donc ils sont complètement arrimés les uns aux autres. Et donc ça va faire une chaîne qui s'enflamme d'un seul coup. Heureusement pour le roi, la duchesse de Berry va arriver à jeter sur lui son grand manteau et atteindre le feu. Il va être brûlé, mais il a la vie sauve. Sur les 6 jeunes gens, il y en a quand même 4 qui sont morts dans des souffrances qu'on n'ose même pas imaginer. Et comme par hasard, évidemment, dans l'instant, le roi redevient complètement fou. Il perd complètement la raison, on le voit hurler, écumer, baver, etc. Et là, on commence à comprendre que le roi n'a pas seulement eu un accès de folie lors de ce qu'on appelle l'épisode de la forêt du Mans, mais que c'est véritablement son état et qu'il va falloir vivre avec. Alors, on se pose toutes les questions. Je me demande si ce sont des accès de folie héréditaires. Il faut savoir que la mère du roi, Jeanne, a été prise d'un accès de colère démentiel et déjà, elle avait failli tuer une camériste. Vous voyez, donc, on était déjà dans ce genre de comportement. Il y a une véritable consanguinité des parents, bien entendu. Hein. Tous deux descendent directement de Charles de Valois. L'hypothèse de la typhoïde mal soignée a été également évoquée. Et pour tout vous dire, c'est celle qu'ont tendance à privilégier les historiens d'aujourd'hui. Alors, on va essayer toutes sortes de remèdes. Que la reine boive 2 perles de son collier dans l'eau distillée. À mon avis, ça va beaucoup arranger les choses. Ça, on peut l'imaginer, bien entendu. Que la tête royale soit frottée d'ingrédients aussi saugrenus que malodorants. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Un médecin de quelque avance sur son temps proposa des saignées, nous dit-on. Impossible, il eût été sacrilège de faire couler le sang royal à cette époque. Et l'on brûla en grand nombre les archimans, c'est-à-dire les alchimistes, au grand plaisir du peuple qui haïssait ceux qui avaient déçu tant d'espoir et eu, car on voit arriver l'un après l'autre des guérisseurs, si je puis dire, et puis on est obligé à chaque fois de déchanter, de se rendre compte que le roi délire de plus en plus, que même dans ses périodes de rémission, maintenant, il a l'air complètement abattu, il a l'air absent, on a presque du mal à se faire comprendre de lui. Et puis il y a des moments où il redevient presque assez bien pour assister de nouveau au conseil et pour de nouveau avoir une activité de représentation et une activité diplomatique. On l'envoie en pèlerinage au Mont Saint-Michel. Il place sa fille Marie au couvent de Poissy. Il nomme sa seconde fille Michel en hommage à l'archange Saint-Michel. Il se place littéralement sous la protection de Saint-Michel. Un seul va arriver à le soigner un peu, à lui faire un peu de bien. C'est un médecin qui s'appelle Guillaume de Arcigny. On va en parler dans un instant avec Jean-Joseph Julot. De même que nous allons parler de la seule qui arrivait à lui faire entendre un peu raison. Celle qui sera peut-être l'amour de la vie de ce roi fou, de ce roi folle, comme on disait à l'époque. Elle s'appelle Odinette de Champdivert. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Dès ma naissance, dans l'existence, je n'ai jamais été gâté. Je me souviens même qu'à mon baptême, ma reine m'a laissé tomber. Et j'ai failli me noyer tout petit haut au fond des fonts baptismaux. En premier communion, j'étais très élégant, mais j'avais mal aux dents, pas de chance. Si bien que sur mon piano, il y a toujours cette photo où j'ai l'air d'un idiot, pas de chance. À mon certificat, j'ai copié sur un gars qui se trompait déjà, pas de chance. Plus tard au régiment, j'ai fait le mur en sautant sur le dos de l'adjudant. Pas de chance. Bourvil sur Europe 1 avec un extrait de son titre « Pas de chance », un titre qui va bien avec nos malchanceux de l'histoire de France dont vous nous parlez aujourd'hui, Franck Ferrand, avec votre invité Jean-Joseph Julot, écrivain, auteur des malchanceux de l'histoire de France aux éditions du Cherche Midi. Alors Jean-Joseph Julot, un mot encore de ce Charles VI qui est tombé dans ce qui était, je me rappelle avoir parlé de ça avec le docteur Tribolet, dont je salue la mémoire, et qui me disait qu'il s'agissait probablement d'une forme assez forte de schizophrénie, en fait. Ce roi était schizophrène. Oui, c'est à peu près certain. Cette schizophrénie s'est déclarée relativement tôt et on n'en connaît pas vraiment l'origine. Nous connaît-on aujourd'hui l'origine de la schizophrénie? En tout cas, il est certain que on a fait appel à des médecins. Les médecins de l'époque, c'était quand même beaucoup d'empirisme, et essentiellement de l'empirisme. Mais ce Guillaume de Arcigny dont vous parliez, on est allé le chercher au fond d'une province. C'est un très vieux médecin. Il y a un petit côté Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur, on l'aimait à la cour. Et puis, effectivement, lui reste sage par rapport à cette folie. Et puis, il observe le roi, il observe son entourage, il observe son mode de vie et il fait ce qui pourrait être fait aujourd'hui, quand on observe des gens peut-être qui sont un peu déséquilibrés sur le plan alimentaire, il va lui le soumettre à un régime diététique draconien. Il le prend sous sa coupe et il lui donne à manger des légumes, il lui donne à boire de l'eau, enfin bref, il en fait une espèce d'ascète et ça marche. Et ça marche et le roi semble guéri. Donc il va retrouver ses sens, sa raison. Et au bout d'un certain temps, le médecin dit « je n'ai plus rien à faire, je vais m'en aller ». On le couvre d'or, il rentre chez lui. Et le roi, au bout d'un certain temps, va quand même retomber dans sa folie. On retourne chercher le médecin, mais le médecin est mort. Donc c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte. Au charlatan. C'est ce que vous nous racontez. Alors là, Par exemple, il y en a un qui s'appelle Arnaud Guilhem. Et Arnaud Guilhem, il a entendu parler de la maladie de Charles VI et il vient proposer ses services. Il arrive de Guyenne et il dit « Ce qui rend le roi malade, eh bien, ce sont les astres. Et moi, je suis en possession d'un livre que Dieu lui-même a donné à Adam, parce que Adam était très triste de la mort de son fils Abel, et il avait à écouler, il fallait que s'écoule 100 ans de chagrin. Et donc, Adam possède, a reçu ce livre de Dieu lui-même, et ce livre a le pouvoir de changer les astres. Il dit, je vais dire une parole, je vais dire une seule parole. Et à ce moment-là, sera créé dans le ciel un astre qui va masquer tous les astres qui sont funestes et néfastes. Voilà. Alors, il rassemble tous les dignitaires, tous les seigneurs. Ça se passe avec beaucoup ça se passe en grande pompe. Et alors, le roi est assis. Il est encore, disons, dans une crise. Il est la tête penchée, il a les yeux à moitié ouverts. Et puis on se dit, mais ça ne va pas durer, puisque Arnaud Guilhem est là. Il va prononcer ce mot fameux. Un seul mot va faire naître cet astre. Alors, ce Arnaud Guilhem arrive. Et puis, c'est le grand silence. Tout le monde attend le miracle. Et il prononce le mot. Et rien ne se passe. Et alors là, on le regarde, et il dit, il a cette parole extraordinaire, je trouve que c'est la plus belle escroquerie de l'histoire, il dit « Oui, ce mot guérira le roi, je l'ai dit, mais je n'ai pas dit quand. » Ouais, ça valait mieux parce que souvent, ils finissaient sur le bûcher, hein, quand oui, même. Ceux oui, qui... justement, les deux autres, ceux qui arrivent ensuite, Pierre Tozan et Lancelot Martin, eux, eh bien, ils viennent et ils affirment commander aux démons. Donc, ils vont être décapités sur la place de Grève. Il y a ensuite un autre qui arrive avec un livre qui s'appelle Le Seminaphoria, qui doit aussi faire changer d'avis. Le diable qui est supposé rendre fou le roi, eh bien, il finit lui aussi sur le bûcher. Bref, ce sont des charlatans qui succèdent. Au début, on les couvre d'or et puis ensuite, eh bien, on les exécute. Il y a aussi la médecine de l'époque. Et cette médecine, eh bien, elle est assez cruelle par moments parce que c'est ce qu'on pourrait appeler des essais d'autosuggestion pour le roi, parce que un médecin arrive et dit « je vais inciser le crâne du roi ». Et il va en sortir la pierre de la folie. Et vous imaginez le tour de passe-passe, quoi, hein, parce qu'il a la pierre dans la main, il incise le crâne du roi, c'est horrible. Et on lui montre la pierre, on lui dit « voilà, sire, la pierre qui vous rend fou ». Il est toujours aussi fou, d'ailleurs, ça ne change rien du tout, au point qu'un jour, il souffre tellement. En plein conseil, il se lève et il dit, et c'est pathétique, il dit « au nom de Jésus-Christ, s'il en est parmi vous qui soit complice du mal que j'endure, je les supplie de ne point me torturer plus longtemps ». Et de me faire promptement mourir. Il n'en peut plus. Il a dû souffrir. On n'imagine pas, ça a duré 30 ans comme ça. C'est terrible. La seule qui lui a apporté un peu de soulagement, c'était la belle Odinette de Champdivers, qui va être sa maîtresse, si l'on peut dire, en tout cas sa compagne. Parce que Isabeau de Bavière, eh bien, le gros problème, c'est que Charles VI, dans ses crises de folie, devient violent. Et ce sont des crises qui il tape sur, y compris sur Isabeau. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, elle est obligée de sortir en pleine nuit de la chambre où ils sont ensemble. Et puis, elle est quand même, on peut dire, assez abîmée. Donc, Isabeau va s'en aller. Et puis, on va mettre à la place d'Isabeau une jeune fille, une très belle jeune fille d'ailleurs, paraît-il, qui s'appelle Odinette du Champdivers, qui est une bourguignonne. C'est la fille de l'un des maîtres des écuries de Charles VI. Et elle va étonnamment avoir exercé sur lui un pouvoir tel que elle seule est capable de convaincre Charles VI de se laver, parce qu'il ne se lave pas. Mais voilà. Il est dans un état de saleté. On dirait comme un sauvage, là, comme pour le sauvage, coup. Il ne veut pas raser sa, il ne veut pas se couper les cheveux, raser sa barbe, etc. Et elle seule est capable de le convaincre, enfin, quelquefois par des moyens assez spectaculaire. Un jour, par exemple, parce qu'il était devenu une espèce de sauvage aux longs cheveux extrêmement sales, elle rassemble 10 figurants, en quelque sorte, qui se sont déguisés comme lui. Et puis, elle les fait se jeter sur lui. Et là, il y a une espèce de commotion. Il va accepter, d'ailleurs, de se raser. Et puis, il va retomber dans sa folie. Vous savez qu'il est, c'en est au point qu'il se croit. Il se croit de verre. Il croit qu'il va se briser. Oh, et alors, il s'installe des attelles un petit peu partout pour pouvoir tenir debout. Il dit, mettons mes attelles, je vais me briser. Et voilà, c'est terrible et c'est pathétique et c'est bien triste. Pour se consoler, écrivait André Castelot, Isabeau se laissa aller à mener une vie passablement agitée. Charles VI, lorsqu'il sortait de sa folie, s'en apercevait, essayait de la calmer, ce qui permit à la reine de déclarer « Mon époux me gêne quand il est fou, et il me gêne encore plus quand il ne l'est pas ». Il va même aller jusqu'à faire tuer un de ses amants, bien célèbre en fait. Hein, on peut dire qu'il se venge, ce roi, entre deux accès de folie. Oui, je suis peut-être moins catégorique pour cette vision d'Isabeau de Bavière. Isabeau de Bavière, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est quelqu'un de timide. C'est quelqu'un dont la conduite peut surprendre au point qu'on se dit, mais finalement, elle aussi devait être, sur le plan psychologique, assez fragile, parce que on constate, et c'est à la lecture des dépenses qu'elle a faites, que elle économise sur tout, et qui sont importantes, mais elle dépense beaucoup d'argent pour se créer une sorte de petit paradis terrestre qui est situé sur les bords de la Seine aujourd'hui, c'est l'hôtel Saint-Paul. Oui, oui. Et donc, il y a... Dans l'actuel marais, mais c'est très vaste. Mm-hmm. Et alors là, il y a des arbres fruitiers, il y a des fleurs, et il y a surtout beaucoup d'oiseaux. Des oiseaux du monde entier, de l'époque, et il y a des animaux sauvages qu'elle apprivoise. Et c'est là qu'elle est heureuse. Elle n'ose pas sortir. On peut dire aujourd'hui, avec une quasi-certitude, que Isabeau de Bavière était atteinte d'agoraphobie. Elle s'est beaucoup rapprochée de son beau-frère, évidemment, Louis, et elle s'en est tellement rapprochée qu'ils ont fini par être amants, et lui est assassiné, hein, l'assassinat du duc d'Orléans. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Je doute un petit peu, parce que faut pas oublier qu'Isabeau de Bavière, les grossesses se suivent, les enfants grandissent, mais ces enfants meurent les uns après les autres, certains à 3 ans, à 4 ans, à 15 ans, à 20 ans. Alors, j'imagine mal qu'on puisse avoir, avec tous ses chagrins, avec toutes ses grossesses, avec tout ce que le corps supporte. Parce que Isabeau de Bavière, ça n'est plus une femme, on a dit tout à l'heure, vous avez dit qu'elle était assez trapue, assez forte, et c'est vrai. Et donc elle a beaucoup grossi, elle se déplace mal d'ailleurs, elle a beaucoup de mal à se déplacer. Je m'étonne, je vais donner que Louis d'Orléans, qui avait toutes les femmes à ses pieds. On ne va pas faire toute l'émission sur Charles VI, mais quelques mots quand même des conséquences politiques de tout ça. Il est évident que la maladie de Charles a beaucoup affaibli le pouvoir royal en France, dans des proportions même très grandes. Ce qui est très étonnant, il y a deux choses intéressantes à souligner. C'est d'abord à quel point le peuple n'a jamais remis en cause une seule fois le roi et qu'on continue à l'aimer et à le chérir, ce roi fou. Ça, c'est assez extraordinaire. Il était un peu une punition divine qu'on acceptait comme telle. Il fallait faire avec. Et puis, la deuxième chose, c'est évidemment l'utilisation que les Anglais vont faire de la situation, puisqu'on verra bientôt Henri V, c'est Azincourt, hein, 1415, on va le voir débarquer en France, conquérir une part non négligeable du territoire et aller jusqu'au fameux traité de 1420, ce qu'on appelle le honteux traité de Troyes, où la souveraineté même de la France est mise en cause. Oui, ça, on est vraiment au creux de la vague là, à ce moment-là. On disait Dieu n'aime plus la France. Oui. Et c'était d'une grande tristesse. Et lorsque le roi sortait de ses crises de folie et qu'il s'en allait à Notre-Dame, le bruit courait dans les rues, se répandait et tout le monde se réunissait pour le voir passer. C'est notre roi, il est fou, mais c'est notre roi. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Jean-Joseph Julot est votre invité cet après-midi, Franck Ferrand. Il est l'auteur des Malchanceux de l'histoire de France aux éditions du Cherche Midi. Malchanceux dont vous nous parlez cet après-midi. Et pas de chance, comme chante Bourvil. Hein. Alors, nous parlions hier de Jacques Cartier. Que fait Jacques Cartier? On évoquait, vous savez, il faut que je vous explique, Jean-Joseph, pour tout, vous n'êtes pas censé écouter l'émission tous les jours. On parlait avec Denise Bombardier de l'histoire du Québec. Et moi, j'ai commencé par Jacques Cartier. Que fait-il dans ce catalogue de Malchanceux? Dans ce catalogue de malchanceux, sa grande malchance à lui, c'est que vous savez que le roi François Ier l'envoie là-bas pour trouver de l'or et des diamants éventuellement, enfin beaucoup de choses très précieuses. C'est même le seul et unique objectif. Hein, le roi ne pense qu'à ça, en fait. Oui, exactement. Et alors Jacques Cartier, à son troisième voyage, au début, il a raconté de belles choses au roi, qui dit c'est impatienté. Oui, oui, c'est très bien pour tout ce qui concerne les sauvages. C'est bizarre, ils ont des mœurs bizarres, mais enfin bon, vous savez, les snoggies notamment, ces coquillages dont ils se servent comme monnaie, vous savez comment ils font. Ils prennent un prisonnier de guerre et puis ils lui entaillent la peau et puis ils le jettent dans le fleuve et là, eh bien, les esnoguis, les coquillages se mettent dans les plaies et au bout de 12 heures, on remonte le monsieur, le pauvre monsieur, et on prend les esnoguis et on s'en sert comme monnaie. Il faudra en parler à la Banque de France, peut-être qu'elle sera intéressée. Et donc, au bout de 3 ans, Jacques Cartier retourne là-bas et puis, bah, il est toujours obsédé par cette recherche de l'or et des diamants. Et un jour, voilà ces hommes qui reviennent et qui lui disent, regardez, on a trouvé quelque chose qui brille. Et alors là, il convoque ceux qui ont un petit savoir et qui lui disent, eh bien, ce sont des diamants probablement, il va falloir en tailler un peu la pierre et puis ce sont des diamants, si, si. Et alors, très peu de temps plus tard, il y en a qui arrivent aussi, qui disent, voilà, encore quelque chose qui brille. Et là, ah oui, mais ça, c'est de l'or. Alors Jacques Cartier emplit des tonneaux d'or et de diamants dans ses bateaux, repart, s'arrête à Terre-Neuve, et là, celui qui était envoyé à sa rencontre pour qu'il se mette sous ses ordres, eh bien, lui demande de ne pas aller plus loin. En fait, il part de nuit, il s'en va, il arrive en France, alors que les Espagnols et les Portugais, qui sont déjà au courant de la cargaison d'or et de diamants qu'il rapporte, sont à ses trousses. C'était l'épilogue qui manquait à notre histoire d'hier. Il arrive à Saint-Malo, et c'est le roi, j'allais dire le roi du pétrole, c'est le roi du monde puisqu'il est immensément riche. C'est la fête à Saint-Malo. Sauf qu'il se dit, tiens, peut-être il faudrait que je fasse vérifier par des orfèvres et des gens du métal si c'est de l'or et des diamants. Voilà. Hélas, trois jours plus tard, voilà la réponse. Les diamants, c'est du mica. Oui, c'est ça. Voilà. C'est du quartz. Mica. Voilà. Ça fait une très belle pierre. Hein. Et puis l'or, eh bien, c'est du cuivre. Voilà la grande malchance de Jacques Cartier, qui, du coup, va descendre au bas de l'échelle de la considération royale. Mais il ne va pas être puni. C'est un bon vivant. Et puis il va continuer de vivre dans son Saint-Malo, son Paramé, tout ça. Il va devenir un des plus fameux biberons de Saint-Malo à Paramé. Restons sur le registre de ses richesses matérielles avec celui qui sans doute a le mieux incarné l'état de richesse dans l'ancienne France. On célèbre d'ailleurs aujourd'hui l'anniversaire de sa mort, puisqu'il est mort, me disiez-vous, le 25 novembre 1456, mort en l'île de Chios. C'est le célèbre argentier Jacques Cœur. Argentier, le mot est bien, est juste. Hein. L'argentier, le mot est juste. Pourquoi ? Parce que c'est un changeur, c'est le fils d'un changeur de Bourges. Et très jeune, il s'est aperçu que le change était une source d'enrichissement étonnante et que si le change qui était pratiqué à Bourges pouvait être pratiqué dans l'Europe tout entière, sa fortune deviendrait immense. Et c'est ce qu'il a fait, Jacques Cartier. C'est quelqu'un qui, à lui seul, à l'époque, représente Wall Street, la Bourse de Londres, la Bourse de Paris, la Bourse de Tokyo qui n'était pas connue. Enfin, c'est quelqu'un qui spécule. Il achète des métaux précieux dans l'Orient de l'époque et il le revend dans l'Occident. L'Orient est maître de l'or, mais l'Occident n'est l'esclave, il le sait, il en joue, il s'enrichit, il amasse une fortune considérable. Et il devient, en quelque sorte, celui qui va donner au roi l'argent dont il a besoin. L'argent dont a besoin aussi Agnès Sorel. Alors, y a-t-il une histoire d'amour entre Agnès Sorel et Jacques Cœur ? Moi, je dis non. Je dis non parce que Jacques Cœur n'est quasiment jamais là. Jacques Coeur, c'est quelqu'un qui, paraît-il, sur le plan physique, n'est pas très, très bien bâti ni attirant. En revanche, c'est quelqu'un qui sait donner son amitié. Il donne son amitié à Agnès Sorel, et puis voilà, lorsqu'elle a besoin d'argent, elle sait où le trouver. On peut toujours imaginer devenir un romantique qui voit la rencontre amoureuse entre Jacques Coeur et Agnès Sorel avec ses déclarations sirupeuses. Mais c'est une option. Moi, je suis, de plus, vous savez, sa femme, Massé de Léoparde, eh bien, lorsque Jacques Coeur est arrêté, elle ne s'en va pas courir la prétentaine dans les villes voisines. Elle meurt de chagrin. Elle est pétrifiée. Et c'est l'homme qu'elle a aimé. Ils ont eu des enfants qui deviennent d'ailleurs presque tous des femmes et des hommes d'église. Mais il y a une espèce de couple là, indestructible. Et la vraie histoire d'amour, c'est là qu'il faut aller la chercher. C'est exactement ça. Ouais. Et donc le roi l'abandonne. Le roi l'accuse de crime de lèse-majesté au cours d'un conseil, en plein conseil, le 31 juillet 1450 à Saint-Jean-d'Angély. Eh bien, au château de Taillebourg, il décrète... Il le fait arrêter en 1451, il est condamné en 1453, il a été torturé et il va pouvoir s'échapper d'ailleurs, rejoindre le pape parce que le pape s'en était fait un ami. Et puis le pape le charge de mettre sur pied ou sur mer du moins une flotte pour aller combattre à Chios les Turcs qui sont en train de s'énerver un petit peu contre cette île là. Et là-bas il arrive dans l'île de Chios et c'est là qu'il meurt le 25 novembre 1456. On ne sait pas comment, on ne sait pas. On aurait pu parler, Jean-Joseph Julot, il y a tellement de sujets que vous abordez dans cet ouvrage. On aurait pu parler de Clotilde, c'est passionnant. C'est d'ailleurs le chapitre qui ouvre votre ouvrage. On aurait pu parler de ce pauvre Philippe de France qui va mourir en butant contre un cochon, ça ne s'invente pas tout de même. Et puis bien sûr, beaucoup plus près de nous, de Nicolas de Chamfort, de Charlotte et Maximilien, de Habsbourg, encore les ravages de la folie avec Charlotte. Bon, j'aimerais moi qu'on s'arrête deux secondes. J'aurais bien aimé qu'on parle de Montecuculi, parce que j'en ai parlé moi dans mon récent livre et j'ai eu un mal de chien à trouver des éléments, car ce sont toujours les mêmes qui reviennent partout. Faudrait faire de vraies recherches sur ce personnage dont on ne sait finalement rien. Mais plutôt que lui, je vous propose de nous raconter cette histoire tragicomique du coup de Jarnac, ce qu'on appelle le coup de Jarnac. Juste une petite parenthèse pour vous dire qu'en 1527, François Ier écrit les lettres patentes qui donnent au jeu de paume l'égalité par rapport aux bénéfices du travail. C'est-à-dire qu'il crée les jeux payants. Et on va faire du jeu de paume une sorte de jeu de tennis. Voilà, c'est le tennis. Donc le coup de Jarnac, c'est un épisode étonnant de l'histoire. Et ça remet effectivement en scène en 1547 le roi François Ier. Le roi François Ier qui va mourir, est en train de mourir. Et puis, il s'est passé quelque chose avant, quelque chose d'assez et de très désagréable pour Guy Chabot, qui est baron de Jarnac. Le baron de Jarnac, lui, n'était pas d'une famille très fortunée, mais il avait épousé Louise de Pisseleu. Louise de Pisseleu, c'est la sœur d'Anne de Pisseleu, qui était la maîtresse de François Ier. Et alors, Henri II, celui qui succède donc à François Ier, le fils de François Ier, et Diane de Poitiers, forment à la cour un petit clan singularise par des attaques un petit peu agressives contre... D'ailleurs, Henri II va se rebeller contre son père, qui va pousser des colères épouvantables. D'ailleurs, lâchement, il s'en va aussi du terrain, lui, Henri II. On peut avoir de la sympathie pour les rois. J'en ai pour Charles VI. Pour Charles VII, j'en ai pas beaucoup. Et pour Henri II, peut-être un peu moins. Bon, c'est une option personnelle parce que... C'est ce qui fait la différence entre nous. Moi, dans le combat entre le père et le fils, je me mets plutôt du côté du fils. Mais enfin bon, ce n'est pas le moment du tout d'en débattre. Donc nous continuons au nom du père et au nom du fils. Et donc ce qui se passe, c'est que Diane de Poitiers et Henri II forment un petit couple assez virulent. Et ils s'aiment bien se moquer de tout ce qui passe, et notamment de Guy Chabot, baron de Jarnac, auquel ils disent un jour « Mais vous qui êtes si bien habillé, si bien vêtu, comment faites-vous? Vous n'avez pas d'argent et tout a l'air de fonctionner. Vous êtes entretenu. Hein, vous êtes entretenu. » Alors voilà. Et il dit « Oui, un peu maladroitement. » Et lui « Oui, c'est ma belle-mère, c'est la deuxième femme de son père, c'est ma belle-mère qui m'entretient. » Et là, Henri II s'esclave. Vous avez entendu Diane, il dit dit que c'est sa belle-mère qui l'entretient. La belle-mère qui est la maîtresse du roi. Qui est la maîtresse du roi. Alors donc c'est un homme entretenu. Il couche avec sa belle-mère. Voilà ce que dit Henri II. Voilà, on s'en gosse. Ça demande réparation. Il faut un duel. Il faut un duel. Est-ce qu'on appelle à l'époque un duel d'honneur? Pardon, je vais un peu vite, mais il nous reste une minute. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est qu'un duel d'honneur? Un duel d'honneur, c'est un duel qui est autorisé par le roi. Et effectivement, ça ne s'est pas passé depuis Saint-Louis. Et ce duel d'honneur va avoir lieu. Et chacun prend des cours auprès d'un maître d'armes. Et Guy Chabot prend, Baron de Jarnac prend des cours auprès d'un maître d'armes italien qui lui dit, mais il faut tout simplement passer par derrière, c'est autorisé. Et vous donnez un grand coup sur le jarret de votre... Parce que c'est David contre Goliath. C'est David contre Goliath, contre le jarret de Vivonne. Et c'est ce qu'il fait. Vivonne, qui est un fier à bras, quelqu'un m'as-tu vu, s'écroule. Et normalement, si le roi ne dit rien, Chabot doit tuer son adversaire. Il ne le fait pas. Le roi laisse la vie sauve à Vivonne, qui pensée va arracher ses pansements et de dépit et de honte va mourir le soir. Oui. Ce tout petit Jarnac a eu raison du colosse Vivonne. Oui, il était quand même assez grand, fin. Mais Vivonne était râblé et lui, on se disait, mais c'est lui qui va gagner. Vivonne, tout était sur toutes les lèvres. Les malchanceux de l'histoire de France de Jean-Joseph Julot, c'est édité au Cherche Midi. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Puis, vous m'avez glissé au passage dans la poche un petit ouvrage. J'adore ces petites anthologies, ça c'est formidable. Ce sont les 100 plus beaux poèmes de la poésie française. C'est édité chez First, également sélectionné par Jean-Joseph. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et en ce 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à Sophie. Elle nous a envoyé sa question via le site internet d'Europe 1 et elle souhaite connaître l'origine de la tradition des Catherinettes. Alors, c'est une tradition qui nous vient de Sainte-Catherine d'Alexandrie, qui est une chrétienne des premiers temps, qui est la patronne des filles à marier, évidemment. Elle faisait partie de ces premiers chrétiens. Elle s'est refusée à l'empereur Maxence, l'empereur romain, et il l'a fait non seulement tuer, mais il l'a soumise au supplice de la roue. Et la légende veut que la roue se soit brisée et que Catherine finalement ait dû être décapitée. Donc, le 25 novembre de l'an 310, d'où cette fête de Sainte-Catherine, le 25 novembre. Alors, petit à petit, à partir de la fin du 15e, du 16e siècle surtout, on commence à coiffer Sainte-Catherine dans les églises le jour de sa fête. Hein. La tradition veut que ce soit les jeunes femmes célibataires de 25 ans ou plus qui se chargent d'aller mettre une couronne sur la statue de Sainte-Catherine. Et puis, petit à petit, on n'a plus coiffé Sainte-Catherine, mais les Catherinettes elles-mêmes, puisqu'on les appelait les Catherinettes, ces jeunes femmes. Et chaque 25 novembre, donc, les femmes célibataires de 25 ans ou plus portent un chapeau extravagant, multicolore, dominé par le vert et le jaune. Je ne sais pas si je dois parler de ça au présent, d'ailleurs, parce que je vous disais tout à l'heure que j'ai fait ma petite enquête ce matin et je me suis rendu compte que plus personne aujourd'hui ne respecte cette tradition.